en soum-soum. Allume et fume-fume, le calume et brume-brume de fumée qu'à somme-somme. Nous te qu'à soum-soum, sûr sur qu'on somme-somme, sûr qu'on consume-soum. Oui, tic somme-somme, je reste seul en soum-soum. Pépère dans un coin, un petit air et je fais le point. Nana, pas sur mon chemin, je me dis que je fume beaucoup trop de joint. Je suis loin des années-lumière, je parle beaucoup pour dire de la merde. Je vois des années-lumière, putain, ça recommence sa mère. Alors je tire une latte histoire de voir les idées claires. Je veux bien une bière, mais pas trop plate, les aigures vont me faire beugir. Bouge pas avec les gars, hormis ça, remarrange et y'a du choix si tu veux le piment Hermès là. Pour le cupi c'est délicat, mais il lui faut sa dédicace. C'est pour notre pote Brigitte Bordeaux qui pour nous border est efficace. A chaque fois elle me fracasse et m'abandonne dans mes tracas. Je veux un tacos et une fricasse sans bifort de mon taga. Bien fort, il t'a bien normal, celui-là je l'ai fait de mes mains. Ça fait mal, rappelle-toi bien que si ça fait mal, c'est que ça fait du bien. Tout le monde me parle de crise, ce n'est pas d'argent qu'on monte sur terre, ce serait plutôt de sagesse mon frère. Allume et fume, fume le calume et brûle, brume de fumée qu'à somme somme. Nous te cassume, sum, sûr sur qu'on somme somme, sûr qu'on consume, sum. Oui, tic, somme somme, je reste seul en soum soum. Allume et fume, fume le calume et brûle, brume de fumée qu'à somme somme. Nous te cassume, sum, sûr sur qu'on somme somme, sûr qu'on consume, sum. Oui, tic, somme somme, je reste seul en soum soum. Dans l'optique d'écrire un 16, moi je commence par en boire une, l'idée était de se mettre à l'aise. J'ai quitté le stylo pour une bière brune, toujours pas de thune, ouais. Ça c'est du Remsous, ouais, ouais. J'ai la tête dans la lune, j'y arrive net, t'es même sous. J'suis un loup pas très futé, mais j'assume et j'fais au mieux mon expérience. J'veux affûter, je sors le fusil même dos au mur. J'suis ceux qui font l'effort, l'effet de force n'est pas mon genre. Genre demande si elle est forte, surtout quand elle me téléporte. Royal à chaos climatique, amnésique à critical. Dans mon cerveau ça devient critique, comme après la Jack et la Cristal. Si les tricônes sont ombrés, comme le rhum ça pète en vrai. Sur ma planète j'suis ancré, j'crois pas qu'un jour j'en descendrai. Des cendres, des mégots, y'en a partout sur la table. Des fois McDo, jamais le maco, train de vie presque respectable. En tout cas on fait avec, avec ou sans un moins j'obèque. En fait j'ai besoin d'un pet et j'ai le pollen, c'est un pec alors. Allume et fume, fume le calume et brûle, brume de fumée qu'à somme somme. Nous te cassume, sum, sûr sur qu'on somme somme, sûr qu'on consume, sum. Oui tic somme somme, je reste seul en soum soum. Allume et fume, fume le calume et brûle, brume de fumée qu'à somme somme. Nous te cassume, sum, sûr sur qu'on somme somme, sûr qu'on consume, sum. Oui tic somme somme, je reste seul en soum soum. Allume et fume, fume le roule un gros joint si c'est pas déjà fait. Somme somme, nous te cassume, sum. Sûr sur qu'on somme somme, sûr qu'on consume, sum. Mais fais le père. Somme somme, je reste seul en soum soum. Toujours partagé. Allume et brûle, brûle de fumée qu'à somme somme. C'était ça. RMS Record. Sûr qu'on consume, sum. RMS Rod. Je reste seul en soum soum. Remsous. Le calume et brûle, brûle de Wazakrou négro. Nous te cassume, sum. Sûr qu'on somme somme, sûr qu'on consume, sum. Oui, tic, somme somme, je reste seul en soum soum.